on le s'en sort, c'est rare qu'on s'en sort. Tête dans le store, j'ai peur car nos mères sont comme les bombes, elles prennent les transports. Intifada, c'est pas fini, non. Il me reste une pierre. Avec ma poids, si tu me cherches, frère, je suis près d'un cimetière. J'ai fait un rêve comme Luther King, on m'a dit, j'irai pas au paradis si Dieu faisait une perquise dans ma ville. Si fait une journée porte ouverte, tête j'irai. Dis au sniper, je suis à terre, dis-lui d'arrêter de tirer. Les ports veulent nous voir dans un aéroport. Le combat n'est pas encore mort, reste un œil au bord. J'ai vu l'espoir, suriné plein d'hommes. Mes potes braqués, l'oreille bradée sur ebay.com. La rue quand tu l'épouses, c'est pour accueillir. Personne ne divorce, la pension est trop chère à payer. De toute façon, t'inquiète, il kiffe sa vie de caïd. Honnêteté en concert, c'est une sale méga sale attitude. C'est tranchant, franchement pas dansant. Ça sent la merde, pas l'encens, hein. La négative attitude. Des textes profonds pour noyer mon chagrin. Mais il sait nager. J'ai la négative attitude. Qu'est-ce qui m'a rendu comme ça? Je sais pas, c'est sûrement ce monde. La négative attitude. Au fait, range ainsi, tu pars en couille. Suis-moi, c'est sur mon chemin. La France est vieille, espère toi pigé avant tes 36 berges. Que la poix c'est une putain et que cette putain de chance est vierge. Être têtu, c'est bizarre man, je crois que c'est dans nos hormones. Genre le juge a jamais fait d'erreur mon. Faire le con c'était censé me consoler, mais non, les frères sous les veines et leur sang coule sur les menottes. Toujours sur le terrain comme si j'étais le fils de l'entraîneur. Dans l'entrée du vice on m'a dit viens fils entraîneur. Une main courante, qu'est-ce que mon clan a encore fait? S'il y a un peu de bonheur vieux, fous-le dans le sac, je prends à emporter. Stylo toujours en joue, je m'informe, vie au jour le jour. Fuck demain mec, moi je suis demain fuck. Mais j'ai du cœur hein, ni une Kaira, ni un qu'un rimé. Si t'es mon frère je suis là, si il te manque un rein. Prends ça comme une invite, si tu me rends un service, prends ta com. La négative attitude. C'est tranchant, franchement pas dansant. Ça sent la merde, pas l'encens, hein. La négative attitude. Des textes profonds pour noyer mon chagrin. Mais il sait nager. J'ai la négative attitude. Qu'est-ce qui m'a rendu comme ça? Je sais pas, c'est sûrement ce monde. La négative attitude. Au fait, range ainsi, tu pars en couille. Suis-moi, c'est sur mon chemin. La messe est dite, je crois qu'ils veulent nous rayer de l'histoire. Et nous bousiller vite, putain, laisse-les crier victoire. J'ignore si c'est dead, les portes sont fermées. J'ai demandé de l'aide, fort, on m'a demandé de l'être. Tête dans l'eau, je suis issu de la noyade. On a dû vécu bas les culs et un cuit au-dessus de la moyenne. Surveille tes arrières, c'est là que le port trempe sa queue. Et te plains pas, t'es bien payé pour 35 heures. Pour s'adosser, on a que ce mur de béton. Et ce béton, vous arrosez pas, match nul, match c'est but. Tirer les ponts, en fin de compte, c'est un dièse pété. Donc qui planque tous un pont sous le siège bébé. Maintenant chez, tu nous l'as mise quand? Quand j'ai vu l'arbitre sortir de tes vestiaires à la mi-temps. Des conneries au débit, je pense que yébi. Je parle pas au débit, qui me parle de négative attitude. C'est tranchant, franchement pas dansant. Ça sent la merde, pas l'encens, hein. La négative attitude. Des textes profonds pour noyer mon chagrin. Mais il sait nager. J'ai la négative attitude. Qu'est-ce qui m'a rendu comme ça? Je sais pas, c'est sûrement ce monde. La négative attitude. Au fait, frange ainsi, tu pars en couille. Suis-moi, c'est sur mon chemin.